Eh bien, oui, Philippe Salvador, ici Lionel Bruno, en direct de 1516, en pleine bataille de Marignan. On essaiera de découvrir pourquoi 1516 et pas 1515, comme nous l'avons tous appris. Eh bien, voilà, je suis sur le champ de bataille, c'est atroce, c'est vraiment... je sais pas comment vous le dire. Ah, eh bien, voilà, vous venez d'entendre la sonnerie, nous passons en mi-temps, c'est la mi-temps, en pleine bataille de Marignan. Alors, les scores sont particulièrement élevés, je vais essayer de vous faire écouter ce qui se passe, hein, donc dans la mi-temps. Je me rapproche de l'entraîneur. Oh, les garçons, oh, les garçons, ça va pas du tout, là, hein. Toi, Renaud, là, qu'est-ce que tu fous? T'as 5 helvètes sur toi, t'as laissé la moitié vivante, ça va pas du tout, hein. Ta gueule, tu te tais. Eh, quant à toi, Richard, hein, moi ça me met pas du tout ce que tu fais avec les Suisses, hein. Non, vas-y, mais... non, mais essaye de t'expliquer, là. Ouais, mais tu l'ouvriras devant François 1er, là. Oui. Et toi, là, hein, qu'est-ce que t'as fait, là, hein? Tu tues des femmes, maintenant, les femmes, tu les violes, d'abord. Ouais, t'aurais pas vu ma jambe. Et les je m'en fous de ta jambe, tu te démerdes, même quand t'en auras plus. Regarde les Anglais, sans jambes et sans bras, ils y vont. Eux, c'est des mecs qui en ont, vous êtes des pédés. Vous êtes des sales pédés, j'ai honte pour vous. Vous battez pour la France et vous êtes des pédés. Attendez que François voit ça. Vous allez voir François. D'ailleurs, je crois que François arrive. You les coquins. Ouh, ils sont où mes petits coquins? Bonjour, bon, les gars. Bonjour. Salut toi, salut. Ouh. Et dites-moi les gars, va falloir un peu vous, hein. Ouh. Allez, allez, un peu. Allez, allez, vous allez tous sous les douches là, hein. Allez, ouf, allez sous les douches, sous les douches. Inspection des douches. Alors je les suis dans les douches, hein, on va voir ce qui se passe dans les douches avec une inspection de François 1er donc, hein. Ah, inspection des douches. Dites-moi les coquins, l'eau est chaude. Oh, bah tiens, oh, bah j'ai fait tomber mon mouchoir. Ramasse-le, je vais vous ramasser votre mouchoir, si. Hop là, hop là. Merci, merci, merci. Mais bien sûr. Bon, les coquins, on va falloir se remuer un peu derrière train-train, hein, parce que vous, ça va plus tout ça. Ça va plus. François va piquer sa colère. Voilà, alors. Alors, François 1er, vous êtes actuellement en train donc de faire une petite visite mystère à vos fiers combattants. Qu'en pensez-vous, là? Comment ça se passe sous les douches? Ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal, pas mal, pas mal du tout. Bon, je crois que je n'arriverai pas à soutirer plus de mots à Monseigneur. Fais donc, Manon, fais donc. C'est pour vous donner du courage, tout ça. Hop là. Oui, lâche-moi l'épée. Alors, François 1er, c'est un peu une façon de motiver un peu vos combattants, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, tiens, toi. Ah, tiens, mais je vais te... hop là, vas-y, oui, tout simplement. Voilà, comme ça. Voilà. On va la gagner, cette guerre, on va la gagner, on va la gagner. Très bien, donc je vais sortir des douches. Je vais donc sortir des douches et me diriger, un peu ailleurs, les laisser tranquilles. Hein, Je suis pas déçu d'être sorti de cet endroit particulièrement moyenâgeux, si je puis dire. Personne n'aurait du nifluril, hein. Bon, alors les garçons, là, ça va mieux après la douche, hein? Ouais. C'est qui est aux chiottes, là? Non mais attends, y'en a qui est aux chiottes, hein, j'y crois pas, là. C'est le moment d'aller chier son bol, qui sait, quoi? Oh là, ben dis donc, cette guerre, hein, rude, hein. Putain, oh là. Qu'est-ce qu'il fout? Putain, allez, on se jette sur l'helvète et on le bute, quoi. C'est un putain d'helvète. Ah, oh là, pas ma montre. Allez, ça y est, on se l'est fait. Bon, allez, hein. Tout voilà. Ça et moi le cri de guerre, hein, vous le souvenez, hein. Putain, les helvètes, on va les niquer, hein. C'est parti, hein. 1, 2, 3, putain, les helvètes, on va les niquer. Allez, on va tourner sur le char, hein. Allez, on y va, quoi. Oui. Voilà, c'était Lionel Bruno en direct de 1516. Demain, on se retrouve pour essayer d'expliquer pourquoi 1516 et pas 1515. Je crois que les combats vont encore être très rudes aujourd'hui.